L'ambassadeur du ministère coréen des Affaires étrangères, Lee Hong-sik, chef de la délégation de la République populaire démocratique de Corée, a prononcé le 13 un discours à la 10e conférence des pays signataires de la Convention sur les droits des handicapés en cours à New York. Il a parlé de la politique et des efforts du gouvernement coréen pour l'amélioration des droits de l'homme et la protection des droits des handicapés et de continuer. La République populaire démocratique de Corée a signé en juillet 2013 à la Convention sur les droits des handicapés, révisé et complété la loi sur la protection des handicapés selon la demande de l'accord et l'a ratifié en novembre 2016. Actuellement, malgré les menaces politiques et militaires continues de l'extérieur, notre République livre la campagne générale de tout le peuple pour accomplir la stratégie quinquennale du développement économique national de 2016-2020. Elle fait grand cas de la collaboration au niveau international, comme la collaboration technique et humanitaire des institutions de l'ONU. Au début de mai dernier, la rapporteuse spéciale chargée des droits des handicapés relevant du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a fait une visite fructueuse dans le cadre de l'application de la Convention. Nous rejetons catégoriquement la politisation, la sélectivité et la double norme des droits de l'homme sur la scène internationale des droits de l'homme, et nous nous opposons à toute tentative d'utiliser le problème des droits humains au but politique malsain. Mais invariable est notre position d'accorder de l'importance au dialogue et coopération pour la protection et l'amélioration des droits authentiques humains, comme la protection des droits des handicapés dans le domaine international des droits de l'homme. La République populaire démocratique de Corée, pays signataire de la Convention sur les droits des handicapés, s'acquittera de sa mission dans l'accomplissement de l'objectif de 10 ans présenté par la présente conférence et renforcera davantage l'échange et la collaboration avec le Comité des droits des handicapés, les institutions internationales et autres pays afin de contribuer aux efforts internationaux pour l'application de la Convention.